dinosaure avec le petit dans le jardin. J'en appuierai que sur repeat play. Je sais que comme le mien, vous serez des pères forts. Au départ, y a eu des coups, à la fin, y aura des câlins. J'ai vu combien il était malin, bien avant ses premiers discours. Peu importe ce qu'ils disent tous, l'homme de ma vie restera celui qui sait que pour m'endormir, il m'a fallu le pouce. Là, depuis le début, avec du recul, peut-être pas si solitaire. Y a toujours quelqu'un dans ma vue, y a toujours une silhouette qui me guette, de près ou de loin, prête à se mettre en quatre pour que je manque de rien. Y a toujours eu le conseil qu'il fallait pour me décoincer, les paroles qui m'empêchaient de penser aux dégâts du cancer. Y a toujours eu des voix dans ma tête à prononcer. Si tu le fais pas, t'es une mauviette. Chez nous, c'est comme ça qu'on enseigne. Y a eu des tas de tapants, des trucs qui m'ont fait baliser. Je dirais même qu'il y a eu du harcèlement en bande organisée. Tu grandis, t'oublies, t'apprends. Tu fais ta valise, tu te rends compte que t'as plus rien à prouver depuis qu'il t'a validé. Y a eu des tas d'épates en moment, des tas de fucking fou rire. Ce serait mentir de dire que j'en ai pas tant de souvenirs. Tu grandis, t'oublies, t'attends le bon moment pour lui dire qu'il est le modèle à qui tu dois tes quelques qualités. Y a toujours eu de l'humour, même avec la mort on blague. Je voulais pas me former en bagarre, mais il a toujours eu des bras. Y a toujours eu de l'amour, même quand les mots faisaient mal. Y en a pas beaucoup qui comme lui peuvent me faire changer mon état. Petite sœur te rend fou, autant qu'elle te rend zen. Mais allez, avoue que la vie serait pas pareille sans elle. Les grands frères me rendent forte, autant qu'ils me rendent faible. Car je me sentais tellement mieux quand j'étais sous son aile. Les petites sœurs te rendent fou, autant qu'elles te rendent zen. Mais allez, avoue que la vie serait pas pareille sans elle. Les grands frères me rendent forte, autant qu'ils me rendent faible. Car je me sentais tellement mieux quand j'étais sous son aile. Allez, avoue que la vie serait pas pareille sans elle. Quand j'étais sous son aile. Quand je dis petit frère, y'a attention qui va avec. Écoutez bien le son, quand j'aime je suis inspiré. Plus rien ne m'arrête, fais gaffe il a le sang chaud sous ses faux airs pour les calmer moi. J'ai les mots qu'il faut et lui la phrase pour mettre en colère. On en a vécu des joies, partagé des peines. Et tellement inventé de jeux qu'il y en a eu des pertes et des fracas. Je vais pas sortir du placard les dossiers, mais toi-même tu sais que c'était les nôtres, mes plus belles et mes pires bagarres. Te rappelles-tu quand tu volais tout, même le padré. Quand ça t'énervait qu'on t'appelle Piccolo Ladré. On sautait des falaises à la Méditerranée. Vous faisiez des pique-niques en famille à l'Estérel ou aux Adrets. Tu sais maman, on n'est pas prêt. D'effacer les souvenirs, c'est notre meilleur remède pour garder le sourire. Et tu peux pas dire que c'est pas vrai, hein. Petit, t'as pris cher, on peut pas nier que t'étais plus que bien encadré. Peut-être un peu trop. Des fois je me demande ce que t'aperçois dans ton rétro. Si je te manque depuis que je fréquente le métro. Tenté par le foot depuis que je t'entends commenter. Autant de matchs comme un vrai pro. Mon frère t'as les épaules pour aller loin pour un diplôme. À l'école enchaîner les va-et-vient. T'avais le corps d'un asticot. T'es devenu un homme et plus tu grandis plus je vois les yeux de papa dans les tiens. Grande sœur te rend fou autant qu'elle te rend zen. Mais allez avoue que la vie serait pas pareille sans elle. Les petits frères me rendent forte autant qu'ils me rendent faible. Car je me sentais tellement mieux quand je l'avais sous mon aile. Les grandes sœurs te rendent fou autant qu'elles te rendent zen. Mais allez avoue que la vie serait pas pareille sans elle. Les petits frères me rendent forte autant qu'ils me rendent faible. Car je me sentais tellement mieux quand je l'avais sous mon aile. Allez avoue que la vie serait pas pareille sans elle. Sentais tellement mieux quand je l'avais sous mon aile. Qu'est-ce qui nous manquait? Rien. Les parents, ils nous ont fait aimer la vie. C'est fou ce qu'on a grandi bien. Qu'est-ce qu'il me manque ce temps? Merci de prendre soin de moi. Fanny n'est rien, Saint-Vincent et Bastien. Quand je vous ai vu en concert, ça m'a touché en plein cœur. Petit et grand frère, dans rêve toute moyenne sœur. Les miens, j'en suis fier. Mon sang, ma chair et les premiers pour lesquels j'ai pas peur de finir en sueur. Mes frères, je tiens des milliers de bonheur et presque zéro peine. Allez, avoue que la vie serait pas pareille sans elle. Dire au frérot je t'aime. Je me sentais tellement mieux quand j'étais sous son aile. Je retiens le meilleur de l'album, vous êtes le plus beau thème. Allez avoue que la vie serait pas pareille sans elle. En avis je suis le moteur, ils en sont le kérosène. Je me sentais tellement mieux quand je l'avais sous mon aile. Je retiens des milliers de bonheur et presque zéro peine. Zéro peine, zéro, ouais. Malgré la pudeur, aucun mal à dire au frérot je t'aime. Si tu savais comme je t'aime frérot. Je retiens le meilleur de l'album, vous êtes le plus beau thème. Les plus beaux tout court même. Ma vie, je suis le moteur, ils en sont le kérosène. Kérosène. Je suis leur bouffée d'air, ils sont mon oxygène. Je suis leur chair, ils sont mes veines. Ils sont mes frères, je suis leur sœur. Tu m'aimes, tu l'aimes, tu l'es, tu meurs.